إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، لقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم كانوا خير البشر على الإطلاق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أسلموا فأحسن إسلامهم، وابتلوا بالسراء والضراء والشدة والرخاء، حتى كانوا خير المؤمنين الذين حملوا لواء الدعوة إلى الله عز وجل بكل إخلاص وأمانة. وما زلنا في القرن الخامس عشر نترحم عليهم ونترضى عنهم لما بذلوه في سبيل الإسلام. ولما علم الله عز وجل صدقهم خلد ذكرهم. وحين نتذاكر حياة سلفنا الصالح نتذكر معهم الحياة الإيمانية الحقة بأبهى صورها، نتذكر معهم الزهد والورع والتقوى والبلاء والشجاعة في الحق والصبر والثبات في سبيل نشر العقيدة وحمايتها ابتغاء ما عند الله. وقد كان منهم صحب كرام من السابقين الأولين إلى الإسلام، ومن هؤلاء النفر القلائل مصعب بن عمير رضي الله عنه، الداعية المجاهد والصحابي الجليل، سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وحامل لواء الدعوة إلى الأوس والخزرج قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. Chers musulmans et musulmanes, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah soit agréé d'eux, étaient les meilleures créatures après les prophètes et envoyés d'Allah alayhi wa sallam. Ils se sont convertis à l'islam, et quel bel islam était le leur. Ils ont été éprouvés dans le bien et dans le malheur. Ils ont été éprouvés dans la facilité et la difficulté. Ils faisaient partie des meilleurs des croyants. Ils ont porté l'étendard de l'appel à Allah Azza wa Jal en toute sincérité et en prenant conscience de la gravité et de l'importance du dépôt qu'ils devaient transmettre. 15 siècles plus tard, nous parlons de leur mérite. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de leur faire miséricorde et de les agréer, subhanahu wa ta'ala, de par ce qu'ils ont produit dans le sentier de l'islam. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal a connu leur véracité et leur sincérité, il a fait en sorte que leur nom soit cité jusqu'à la fin des temps. Et lorsque nous nous rappelons la biographie et la vie de nos pieux prédécesseurs, nous nous rappelons en même temps la vie pleine de foi qu'ils avaient sous toutes ses formes. Nous nous rappelons, en citant leur biographie et leur histoire, l'ascétisme qui était le leur, la piété qui était la leur, les épreuves qu'ils ont dû surmonter, la bravoure qu'ils avaient, la patience et la fermeté dans l'islam. Et il avait parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ceux qui se sont convertis au tout début de l'islam. Et parmi cette minorité, Mus'ab ibn Umayr radiyallahu ta'ala an, ce combattant, ce prêcheur à l'islam, cet éminent compagnon du prophète alayhi salatu wa salam, c'était l'ambassadeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et c'est lui qui a appelé à l'islam les tribus de l'Aous et de l'Khazraj à Médine avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fasse son immigration. Bada an-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam da'watahu fi Mecca sirra wal mushrikuna yatarabbasuna bihi ad-dawa'ir kullun minhum yuhawilu qatlah wa ikhmad amrihi wa da'watihi alayhi as-salatu was-salam walakin Allah ta'ala إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون ولو اجتمع البشر كلهم في خل على خلافه فلن يستطيعوا قال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون واتخذ المصطفى صلى الله عليه وسلم من دار الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنهم ملتقى لأصحابه يلتقي فيها مع القلة المستضعفة الذين آمنوا به على خوف من دعاة الضلالة وعبدة الأوثان أن يعلموا بهم فيكيدوا لهم كيدا ويستقبل فيهم المسلمين الجدد الذين يريدون الدخول في هذا النور فقدم مصعب بن عمير رضي الله عنه مستخفيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم بن أبي الأرقم فأسلم رضي الله عنه وكتم إسلامه خوفا من أمه وقومه وكان يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا وكان إسلامه رضي الله عنه في السنوات الثلاث الأول من الدعوة قبل أن يصدع النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة الجهرية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début de l'appel à l'islam à la Mecque, appelait de façon secrète, car les polythéistes étaient à l'affût du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils voulaient le tuer alayhi salatu wa sallam, et ils voulaient éteindre son appel. Mais lorsqu'Allah azawajal décide d'une chose, il dit « sois et allez ». Ainsi, même si l'ensemble des êtres humains se réunissaient pour mettre en œuvre ce qu'Allah Azzawajal n'a pas décidé, ils ne sauraient arriver à leur fin. Il dit subhanahu wa ta'ala, ils veulent éteindre la lumière d'Allah par leur bouche, mais Allah fait en sorte que sa lumière persiste, n'en déplaise aux mécréants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant cette période où l'appel à l'islam était discret, avait pris la maison de l'Arqam ibn Abi al-Arqam, radiyallahu anhu. Cette maison était le point de rencontre des compagnons, radiyallahu anhum, de ceux qui étaient faibles, de ceux qui ne pouvaient pas exprimer leur islam, de peur des représailles des polythéistes, des adorateurs, des idoles. Car s'ils connaissaient et s'ils apprenaient leur islam, ils mettraient en œuvre contre eux des stratagèmes. Ainsi, dans cette maison de l'Arqam ibn Abi al-Arqam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait ceux qui venaient de se convertir à l'islam, ceux qui venaient de connaître cette lumière. Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu est venu en se cachant jusqu'à arriver chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la maison de l'Arqam ibn Abi al-Arqam, il a proclamé son islam et a caché sa conversion de peur de sa mère et de son peuple. Il se rendait ainsi en cachette chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu, s'est converti durant les trois premières années de l'islam, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'eût reçu l'ordre de son Seigneur de proclamer son appel à l'islam. Akhfa Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu islamahu ala ummihi wa ala ahlihi khawfan ala nafsihi min al-fitnah wa kitmanan li amri Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. ولكن الواشين من المشركين لما علموا بإسلامه رضي الله عنه سارعوا إلى الوشاية به عند أمه وقومه نكاية فيه وصدا عن سبيل الله ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ولما علم عثمان بن طلحة بإسلام مصعب أخبر قومه فغضبوا عليه وحبسوه وأوثقوه فلم يزل رضي الله عنه محبوسا حتى فر بدينه وهاجر إلى الحبشة مع النفر القلائل من المسلمين الذين أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة طمعا في الأمن بجوار ملكها النجاشي رضي الله عنه الذي تواترت عنه الأخبار أنه لا يظلم عنده أحد. وكان مصعب بن عمير رضي الله عنه من أحسن فتى مكة شبابا وجمالا، وكان أبواه يحبانه حبا عظيما، وكانت أمه من أغنى أهل مكة تكسوه أحسن الثياب وأجمل اللباس، وكان أعطر أهل مكة يلبس الحضرمي من النعال أنفس ما يوجد ذلك الزمان، وكانت أمه شديدة التكلف عليه. فلما أسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه انخلع من ذلك كله، وأصابه من الشدة والتعذيب والبلاء ما غير لونه وأذهب لحمه ونهك جسمه رضي الله عنه. وحلفت أمه حين أسلم وهاجر أن لا تأكل ولا تشرب ولا تستظل حتى يرجع إليها، فكانت تقف في الشمس حتى تسقط مغشيا عليها، وكان بنوها يحشون فاها أي فمها بالأعواد فيصبون فيه الطعام حتى لا تموت، ومع ذلك لم يغير ذلك من حاله رضي الله عنه. مصعب بن عمير رضي الله عنه، lorsqu'il est arrivé dans cette maison de l'Arqam ibn al-Arqam ibn Abi al-Arqam et qu'il a proclamé son islam devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a par la suite caché son islam de peur de sa mère et de son peuple afin qu'il ne soit pas une tentation pour lui, et également pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les espions et les colportateurs parmi les polythéistes, lorsqu'ils ont pris connaissance, notamment lorsque Uthman ibn Talha a vu Mus'ab ibn Umayr prier, il s'est empressé à aller colporter cette information auprès de sa mère et de son peuple, afin de le détourner de la religion d'Allah. Allah Azza wa Jal dit, en parlant des non-musulmans, « Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru. » Lorsque Uthman ibn Talha a donc pris connaissance de l'islam de Mus'ab ibn Umayr, il en a informé son peuple, qui se sont courroucés contre Mus'ab, l'ont emprisonné et l'ont attaché. Il était ainsi, radiyallahu anh, emprisonné jusqu'à ce qu'il puisse s'enfuir pour protéger sa religion et à émigrer vers l'Abyssinie avec un petit nombre des musulmans. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné l'autorisation d'émigrer vers l'Abyssinie en recherchant la sécurité, car il y avait là-bas Najashi qui mourra par la suite musulman, radiyallahu anhu. Al-Najashi dont les informations à son sujet se rejoignaient dans le fait que personne n'était offensé chez lui. Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu, faisait partie des jeunes de la Mecque les plus aisés et ceux qui avaient la plus belle apparence. Ses parents l'aimaient d'un grand amour et sa mère faisait partie des plus richissimes femmes de la Mecque. Elle habillait son fils des meilleurs vêtements et des plus beaux. Et Mus'ab ibn Umayr était connu pour être le jeune qui avait les meilleurs parfums à la Mecque. Et il portait les sandales Hadramiyah du Yémen, qui étaient à ce moment-là et à cette époque-là les chaussures et les sandales les plus cotées. Sa mère prenait un soin particulier de lui. Puis lorsqu'il s'est converti, radiyallahu anhu, il a délaissé toute cette aisance. Il a délaissé toutes ces choses éphémères et il a été victime, radiyallahu anhu, de supplices. Il a été éprouvé jusqu'à ce que son corps s'en ait fait ressentir. Sa mère, lorsque Mus'ab ibn Umayr s'est converti et a émigré en Abyssinie, sa mère a juré de ne plus manger, de ne plus boire et de ne plus se protéger du soleil jusqu'à ce que son fils revienne à elle. Elle se mettait debout sous un soleil ardent jusqu'à s'évanouir. Et ses enfants la nourrissaient de force, de peur qu'elle ne meure. Malgré tout cela, Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu est resté ferme dans son islam et sa position n'a aucunement changé. وخرج مصعب بن عمير من النعمة الوافرة التي كان يعيش فيها وأصبح الغني المتأنف وأصبح الغني المتأنق المعطر لا يرى إلا مرتديا أخشن الثياب يأكل يوما ويجوع أياما ولكن روحه المشربة بسمو العقيدة كانت قد جعلت منه إنسانا آخر يملأ الأعين إجلالا والأنفس روعة وحياء. هذه الصفات كلها جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يختاره لأعظم مهمة في حياة الدعوة الإسلامية، حيث اختاره ليكون سفيره إلى المدينة. فلما انصرف أهل العقبة الأولى وفشى الإسلام في دور الأنصار بالمدينة، أرسلوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يرسل لهم رجلا يفقههم في الدين ويقرئهم القرآن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه إليهم. فلما قدم المدينة نزل على أسعد بن زراعة، وكان يأتي الأنصار رضي الله عنه في دورهم في عوالي المدينة فيدعوهم، فيسلم الرجل والرجلان حتى ظهر الإسلام وفشى في المدينة. فكتب مصعب بن عمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه أن يصلي الجمعة بالأنصار، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم مصعب في دار سعد بن خيثمة وهم 12 رجلا رضي الله عنهم أجمعين. فكان مصعب بن عمير أول من جمع في الإسلام جمعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستبشر المسلمون في المدينة بقدومه، استمر مصعب رضي الله عنه يدعو إلى الله وينشر الإسلام ويغرس العقيدة. مصعب بن عمير رضي الله عنه a donc quitté cette vie plein d'aisance, cette vie de richesse, de tranquillité. Il l'a délaissé, radiyallahu anhu, Mus'ab ibn Umayr, le riche parfumé, n'était vu après son islam qu'en étant habillé de vêtements usés, voire troués. Il mangeait un jour et avait faim plusieurs jours. Mais son âme, qui était imprégnée de la croyance musulmane, de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, remplissait les yeux d'admiration à son égard et remplissait l'âme de pudeur vis-à-vis de lui, radiyallahu anhu. Toutes ces qualités qu'avait Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu, ont amené le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à lui accorder l'une des responsabilités les plus importantes dans l'appel à l'islam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a choisi pour qu'il soit son émissaire et son ambassadeur à Médine. Lorsque les premiers musulmans ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis se sont rendus à Yathrib, le nom précédent Médine, le nom de Médine, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le change. Lorsque l'islam commençait à pénétrer la ville de Yathrib, ils ont envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un émissaire demandant au prophète alayhi salatu wa sallam de leur envoyer un homme qui puisse leur apprendre leur religion et leur enseigner le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a envoyé Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu. Lorsqu'il est arrivé à Médine, il se rendait dans les maisons des Ansar et les appelait à l'islam. Les gens se convertissaient à l'islam les uns après les autres jusqu'à ce que l'islam fût apparent et se propagea dans la ville de Médine. Mus'ab ibn Umayr a ensuite écrit au prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demandant l'autorisation d'accomplir la prière de l'Jumu'ah avec Al-Ansar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné l'autorisation. Mus'ab ibn Umayr a alors accompli la prière de l'Jumu'ah dans la maison de Sa'd ibn Khaythama. Ils étaient 12 hommes, radiyallahu anhum. Mus'ab ibn Umayr était ainsi le premier à avoir présidé la prière de l'Jumu'ah en islam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a par la suite émigré à Médine, et lorsque les musulmans étaient fous de joie, étaient heureux de pouvoir accueillir dans leur terre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu, continuait son appel à Allah en propageant l'islam et en inculquant la croyance islamique dans le cœur des musulmans. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. تزحموا بارك الله فيكم وتقاربوا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ولما وقعت معركة أحد في العام الثالث من الهجرة وشارك فيها مصعب بن عمير رضي الله عنه مشاركة الأبطال وأبلى فيها بلاء المؤمنين الصابرين المحتسبين وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم راية المسلمين وثبت مصعب رضي الله عنه مع القلة المؤمنة التي أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم ودافعت المشركين عنه لما تخلخلت صفوف المسلمين وأصبحت الجولة للمشركين وبقي الولاء في يد مصعب بن عمير رضي الله عنه يمسكه بقوة وثبات ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتدافع المشركون نحو اللواء وأقبل ابن قمئة عليه من الله ما يستحق فشد على مصعب فضرب يده اليمنى فقطعها ومصعب رضي الله عنه يردد قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم أخذ مصعب رضي الله عنه اللواء بيده اليسرى حتى لا يقع، فضرب ابن قمئة يده اليسرى فقطعها، فحنى على اللواء رضي الله عنه وضمه بعضديه إلى صدره، ثم حمل عليه الثالثة بالرمح فأنفده إلى صدره، ووقع مصعب رضي الله عنه شهيدا. فلما انتهت المعركة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصعب وهو منجعف على وجهه، فقرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Puis lorsqu'a eu lieu la bataille de Uhud en l'an 3 de l'Hégire, une bataille à laquelle a participé Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu avec bravoure et courage, et il a combattu dans le sentier d'Allah azawajal comme il se devait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a confié l'étendard des musulmans. Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu faisait partie de la minorité des croyants qui était autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le protéger et pour repousser les attaques des polythéistes contre lui. Puis dans cette bataille de Uhud, lorsque la bataille a tourné court et que les musulmans ont faibli et les mécréants ont pris le dessus, Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu a maintenu avec force l'étendard des musulmans, et il restait et protégeait et combattait pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis les polythéistes se sont dirigés vers l'étendard. Ibn Qamia, qu'ils reçoivent de la part d'Allah ce qu'ils méritent, a saisi Mus'ab et a frappé sa main droite de l'épée et l'a coupé radiyallahu anhu. Mus'ab ibn Umayr récitait la parole d'Allah Azza wa Jal. Muhammad n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons. Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah. Et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Puis Mus'ab ibn Umayr saisissa l'étendard de sa main gauche. Ibn Qamia lui coupa alors la main gauche. Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu saisit donc l'étendard de ses deux avant-bras et le colla à sa poitrine radiyallahu anhu. Ibn Qamia l'acheva d'un coup de lance dans sa poitrine radiyallahu anhu. Mus'ab ibn Umayr tomba alors martyr. Et lorsque la bataille fut terminée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis debout devant la dépouille de Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu, qui était allongé, le visage à même le sol. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lut la parole d'Allah: il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement vers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin. D'autres attendent encore, ils n'ont varié aucunement, c'est-à-dire dans leur engagement. Ayyuha al-Muslimoun, wa hakada saqata Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu, mujahidan shahidan, wa huwa ibn 40 sana, mata radiyallahu anhu, mitat al-abtal, wa huwa inda Allahi min ash-shuhada il-abrari, insha'Allah, ma'a al-lazina an'ama Allahu alayhim, من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وأشرف النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء على الشهداء من أصحابه رضي الله عنه ودموع تسيل من عينيه، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا شهيد على هؤلاء أنه ما من جريح يجرح في سبيل الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمي جرحه، اللون لون الدم والريح ريح المسك. انظروا أكثر هؤلاء جمع للقرآن فاجعلوه أمام صاحبه في القبر. قال الصحابي الجليل خباب بن الأرت رضي الله عنه: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، ومنا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجره شيئا. كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يترك إلا ثوبا، كنا إذا غطينا به رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا به رجلاه خرج رأسه. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله الإدخر، أو قال: ألقوا على رجله من الإدخر. Chers musulmans et musulmanes, ainsi mourut Mus'ab ibn Umayr radiallahu anhu en combattant dans le sentier d'Allah. Il avait au moment de sa mort 40 ans, radiyallahu anhu. Qu'Allah l'accepte parmi les martyrs et qu'il soit en compagnie de ceux qu'Allah azawajal comble de bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quelle bonne compagnie! Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le tour des martyrs de Uhud et les larmes coulaient de ses yeux, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit: je suis témoin en faveur de cela, que tous ceux qui ont été blessés dans le sentier d'Allah, Allah azza wa jal les ressuscitera. Allah azza wa jal les ressuscitera le jour du jugement. Leurs blessures saigneront. La couleur sera la couleur du sang, mais l'odeur sera l'odeur du musc. Regardez, lequel de ceux-là connaissez le plus de Coran et entrez-le en premier dans la tombe. Hadith authentique, authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Al-Khabbab ibn al-Arat, radiyallahu anhu, dit: nous avions émigré avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en recherchant la face d'Allah, et nous avions eu nos récompenses, c'est-à-dire les butins suite aux différentes batailles auxquelles ils ont participé, radiyallahu anhum. Puis il dit Khabbab ibn al-Arit, ibn al-Arat, et il y avait parmi nous des personnes qui n'ont en rien profité de leur butin. Parmi eux, Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu, qui a été tué le jour de Uhud, et n'a laissé qu'un vêtement. Lorsque l'on cachait son visage, ses pieds apparaissaient. Et lorsque l'on cachait ses pieds, son visage apparaissait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: cachez son visage, cachez sa tête et mettez sur ses pieds des branches de palmier. Sallallahu azza wa jal an yufaqihana fi dinina wa an yuallimana ma jahilna wa an yaj'alana khayra qudwatin لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.